chronique consommation sur Radioactive avec Joël Constanza. C'est maintenant, Joël est responsable de communication à l'association UFC Que Choisir 37. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Joël ? Oh là là, de choses très difficiles à dire. Je vous laisse le Alors, faire. Alors, en effet, shrinkflation, chipflation, streetflation, ce sont des termes que nous avons tous entendus dans les médias. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, vous l'avez dit, hein, ces anglicismes barbares couvrent en fait une même réalité. Comment nous faire payer à nous, consommateurs, plus cher notre alimentation ou nos produits ménagers, et cela parfois à notre insu ? Alors tout d'abord, petit rappel et définition, si vous le voulez bien. Oui, alors on va commencer par la première, hein, la shrinkflation ou la réduflation en français, hein, qui est une technique bien connue, notamment de l'agro-industrie. Hein. En fait, elle consiste à réduire la taille d'un produit ou à baisser la quantité à l'intérieur d'un emballage, mais tout en maintenant le même prix, ce qui revient en fait à augmenter le prix au kilo. Autrement dit, pour masquer la hausse réelle des prix, des industriels sont tentés de réduire en catimini, la quantité de produits proposés à leurs clients, une pratique qui a tout de suite été dénoncée par notre association, l'UFC Que Choisir, mais aussi par les autres associations de consommateurs. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Par exemple, la bouteille de Fanta Orange, on va la citer, dont le volume est passé de 1,5 litre à 1,25 litre. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une baisse de 17%. Donc une augmentation du prix au litre de 19%. Il y a aussi le paquet de tagliatelle hein, aux œufs de Barilla qui est passé comme ça de 500 à 450 grammes. 50 grammes de moins quand même. Oui, tiens. Alors parfois aussi une nouvelle version plus qualitative avec une amélioration de la recette ou plus éthique d'un produit pourrait-elle justifier une hausse du prix au kilo ? Oui, mais les industriels ils sont réticents hein, parce qu'augmenter les tarifs risque de faire fuir les consommateurs. Mmh. Donc, mieux vaut maintenir le prix affiché et escamoter quelques grammes de produits dans un emballage inchangé. On l'a dit, hein, il y a pas mal d'exemples comme ça. Hein. Je vais en citer encore un autre. Hein, la barguette de margarine de micelle de Plantafin, qui, elle, était passée de 510 grammes à 500 grammes, mais après la suppression de l'huile de palme de sa recette. Mmh. Donc, c'était quand même un peu mieux. Autre produit, la vache qui rit, hein, le célèbre fromage en portions, qui a fait également le ménage dans sa liste d'ingrédients pour ne conserver que 4 ingrédients contre 8 auparavant, notamment grâce à la suppression des additifs. Mais dans le même temps, elle a perdu aussi 4% de son poids, tombant à 256 grammes, tandis que le prix au kilo prenait, lui, 11% quand même. Mmh. Et alors, ça ne touche pas que les produits alimentaires, ça ? Non, non, non, bien sûr. Hein, cela touche aussi les produits cosmétiques, d'entretien, avec pour eux souvent un emballage amélioré hein, qui justifie la discrète réduction de la quantité de ce produit. On a le Sanex 0% gel douche, hein, peau sèche, par exemple, qui est passé de 500 ml à 475 ml. Seul changement, juste l'emballage qui est désormais 100% recyclé. Voilà. Alors, deuxième mot, la chipflation. On prononce bien la française. Oui. Chipflation. Alors, la chipflation consiste, elle, à remplacer les ingrédients par des substituts de moindre qualité, donc moins coûteux. Mais là, tout en maintenant, là aussi, le prix du produit. Par exemple, on remplace dans un produit le beurre par un produit gras, moins coûteux. On change la recette d'un produit et notamment les proportions des ingrédients. Comme pour le cordon bleu de Le Gaulois, hein, la quantité de viande de poulet en salaison est passée de 58% à 54%, deux petits pourcents en moins. L'emmental de 5% à 3%, deux petits pourcents en moins aussi. Mais le pourcentage de chapelure, comprenez bien, la chapelure est moins chère, hein, elle est passée de 22% à 26%. Et voilà, le tour est joué. Mais c'est légal, ça ? Alors, si les deux pratiques sont contestables et dénoncées par l'UFC Que Choisir, elles sont légales si le consommateur est informé en magasin des quantités de produits concernés et surtout du nouveau prix de vente au litre ou au kilo. Mais alors, dans tout ça, le consommateur, il en est vraiment conscient de ce qui se passe ? Non, c'est ça. Le problème réel, c'est en fait la prise de conscience que le consommateur aura ou pas de l'évolution des quantités du produit qu'il a l'habitude d'acheter. Mais est-ce que le consommateur va immédiatement mesurer lors de ses achats que le pot de yaourt a perdu 15 grammes ? Pas du tout. Voilà, que les paquets de mouchoirs en papier sont passés de 10 à 9 unités, ou que le paquet de gâteaux secs ne fera plus que 4 goûters au lieu de 5 auparavant. Donc ces pratiques sont particulièrement insidieuses parce que diminuer la taille, le format ou changer la recette, c'est évidemment moins voyant qu'une hausse des prix. Il y a quand même eu une tentative de régulation avec, comme vous l'avez dit en 2024, un arrêté shrinkflation. Oui, alors l'arrêté shrinkflation de 2024 a rendu à partir du 1er juillet donc dernier obligatoire l'information des consommateurs pour des produits qui ont subi une modification de poids, de volume à la baisse, entraînant une hausse de prix à l'unité de mesure. Et Riposte immédiate des industriels. On remplace un produit d'une gamme par un autre avec un nouveau packaging et un nouveau code-barre. Comme cette nouvelle boîte de céréales Chocapic, qui est passée de 430 grammes à 375 grammes, donc 13% en moins, pour une hausse de prix au kilo de 37% quand même. Donc pas de changement de recette ni d'ingrédients, mais un nouveau produit avec un nouveau code-barre. Et du coup, ce nouveau produit n'est pas concerné par cet arrêté shrinkflation. Et la dernière née, la stretchflation. Ah oui, alors c'est la petite dernière dans la famille flation, la stretchflation. Donc contraction du verbe anglais stretch, étiré, et du mot inflation. Alors cette fois-ci, l'industriel producteur augmente la quantité, ça c'est bien, le grammage du produit, et l'affiche clairement sur le packaging, ça pas de problème. Donc cette augmentation du grammage justifie alors une augmentation des prix, ça c'est normal. Et ça n'étonnera pas le consommateur qui achètera le dit produit. Sauf que l'augmentation du prix est complètement disproportionnée par rapport à l'augmentation de la quantité du produit. Ah oui, voilà. Alors parfois, un prix augmenté de 35% pour 15% seulement de produits en plus. Alors, comme ses grandes sœurs, la stretchflation, elle, est parfaitement légale, mais très, très contestable, vous le reconnaîtrez, car elle induit de tromper le consommateur en justifiant une augmentation de prix et pour ce faire, en mettant en avant une augmentation de la quantité du produit non corrélé. Alors, c'est pour le consommateur une inflation cachée et pour l'industriel, une manière détournée d'augmenter ses marges. Alors, pour finir, Joël, est-ce qu'il y aurait des conseils pour ne pas tomber justement dans tous ces pièges de shrinkflation, chipflation ou stretchflation? Ah oui, vous avez du mal. Alors, la règle, c'est de vérifier toujours les prix au kilo ou au litre, y compris, on l'a déjà dit, pour les promotions. Mais aussi, lisez les étiquettes, achetez quand c'est possible des produits locaux, des ventes directes, des ventes en circuit court. Bien observer les emballages, les éventuels changements de format, comparer les produits entre eux. Nous, consommateurs, nous devons d'être de plus en plus vigilants. Merci Joël pour cette chronique consommation. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 13h, pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.